Chez Opel, Corsa, Astra et Moka ont tous un double électrique. Et quoi de mieux qu'un double électrique ? Un bonus écologique doublé. Pendant les portes ouvertes, Opel double le bonus écologique de 4000 euros à 8000 euros. Vous avez désormais 8000 bonnes raisons de passer à l'électrique chez Opel. Rendez-vous en concession jusqu'au 23 mars pour en profiter. 4000 euros de bonus écologique et 4000 euros de reprise dans le réseau participant. Offre à particulier, voir détails sur opel.fr. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo. Bonjour, c'est Xavier Mauduit. Je vous propose d'aller flâner dans des lieux chargés d'histoire. Direction le musée de Cluny à Paris, quand le Moyen-Âge fait peau neuve. Et rendez-vous au musée d'Henry pour une incroyable collection d'art venue d'Asie. Une balade qui nous conduit de la Bibliothèque nationale de France, un si riche lieu, au cimetière du Père-Lachaise, l'histoire six pieds sous terre. Ces lieux de mémoire sont aussi ceux de la traite et de l'esclavage, sans oublier l'urbex, avec les aventuriers de la friche perdue. Le cours de l'histoire, Xavier Mauduit. La Bibliothèque nationale de France, un si riche lieu. Riche lieu d'accord, mais aussi pêle-mêle Mazarin, Colbert, Charles V, l'abbé Bignon, Prosper Mérimée, Léopold de Lille, Henri Labrouste et François Mitterrand. Un si riche lieu à Paris, mais aussi à Blois, Montpellier, Fontainebleau, des savoirs venus du monde entier, la Bibliothèque nationale de France, arsenal de plaisir, exceptionnel, grandiose, fascinante. Disons-le, c'est l'extase. Si on me dit, avez-vous connu l'extase dans votre vie, l'extase religieuse en particulier, comme Sainte Thérèse d'Avila, si vous voulez, je dirais oui, je l'ai connu à la Bibliothèque nationale. C'était Paul Guth qui, comme Sainte Thérèse d'Avila, a connu l'extase à la Bibliothèque nationale. Jacqueline Sanson, bonjour. Bonjour, Xavier Mauduit. Vous avez connu l'extase à la Bibliothèque nationale ? Oui, pendant 42 ans. 42 ans d'extase, ça fait beaucoup. Vous êtes archiviste paléographe, vous êtes conservateur général honoraire des bibliothèques et puis vous avez été directrice générale de la Bibliothèque nationale de France. Ah là là, l'extase, cette première extase, vous en souvenez ? Vous vous souvenez de ce moment où vous entrez dans la salle de lecture de la Bibliothèque nationale, je pense, sur le site Richelieu, à la salle Labrouste ? Non, à dire vrai, je ne me souviens pas de mes premiers pas salle Labrouste, mais un peu plus tard, j'ai pris le virus et je me souviens d'une rencontre avec la secrétaire générale, mademoiselle Kleindienst, Thérèse Kleindienst, et qui accueillait les nouveaux. Et qui leur faisait un discours de bienvenue assez fort. Et ça, je m'en souviens très, très bien. Mais il faut travailler. La première entrée d'un archiviste paléographe, comme vous dites, à la BN ou à la BNF, se fait très tôt, puisque quand nous sommes élèves, nous pouvons venir travailler à la bibliothèque. Donc, j'ai un peu oublié ce temps-là, qui est très lointain, mais je n'ai pas oublié le temps de mes débuts comme jeune conservateur. Vaudon Blassel, bonjour. Bonjour. Vous êtes conservateur général et vous êtes l'ancien directeur du département des livres imprimés et de la bibliothèque de l'Arsenal. Parce qu'il faut le dire, hein, dès que nous parlons de la Bibliothèque nationale de France, nous évoquons le site Richelieu, le site François Mitterrand, mais il ne faudrait pas oublier l'Arsenal. Il ne faut pas oublier l'Arsenal, nous sommes bien d'accord. Pour reprendre ce que vous disiez, moi je me souviens très bien quand j'ai pris mes fonctions la première fois dans la salle Labrouste, dans la salle du département des imprimés, cette sensation d'écrasement que j'ai eu un peu, peut-être aussi une inquiétude personnelle, est-ce que je saurais faire face à toutes les difficultés qui se présentaient alors parfois à l'époque. Mais voilà, c'est aussi un sentiment merveilleux. Et puis après, il y a votre travail, hein, ces coulisses, Jacqueline Sanson. Une fois que, j'allais dire, vous avez les clés, une fois que vous avez la charge de tout ce patrimoine, errer comme ça entre ces ouvrages, dans les rayonnages. Là aussi, l'émotion est prégnante, j'imagine, sans cesse. Et c'est quelque chose qui ne doit pas quitter d'une carrière entière, non. C'est toujours là. C'est un plaisir sans cesse renouvelé. Vous parlez des livres, mais pas seulement les livres. Les estampes, par exemple. Les estampes, les photographies, l'ensemble des collections. petit à petit, on se les approprie. On a l'impression d'être chez soi, même si on ne connaît pas aussi bien que chaque spécialiste. On aime. On aime d'abord ce que l'on connaît, et puis après, progressivement, on aime tout. Oui, on aime tout, et dans le tout, il y a beaucoup de choses différentes dans les collections. Bruno Blassel, c'est très important de le souligner, et c'est ce que montre aujourd'hui ce musée, disons-le, parce que c'est ainsi qu'il se présente tel que nous l'avons dans notre imaginaire, mais pour moi c'est beaucoup plus qu'un simple musée, parce que c'est un patrimoine national, c'est un récit aussi de notre histoire. Les collections de la Bibliothèque nationale de France sont très diverses, ce ne sont pas que des livres. Ce ne sont pas que des livres, il y a une sorte de gourmandise à la Bibliothèque nationale au cours des siècles. Elle a commencé par les livres manuscrits et les livres imprimés, mais elle n'a cessé finalement d'accueillir des collections d'un autre type. Et c'est vrai que le département de Richelieu réouvert, le musée de Richelieu, permet de mesurer, pour une faible partie, l'extraordinaire diversité, la beauté de ces documents et leur caractère inattendu parfois. Oui, inattendu, parce qu'il y a vraiment de tout. On va trouver toutes ces pièces venues de l'Antiquité, il va y avoir les vases, évidemment les collections de pièces, de médailles, mais quand nous parlons de bibliothèque, évidemment nous pensons à un livre, et bien prenons un livre, qui est-ce ? Ah, c'est Christine de Pizan. Ne dirons-nous encore de la sagesse du roi Charles le grand amour qu'il avait pour l'étude et pour les sciences, et qu'il fut ainsi bien le démontrer par la belle assemblée de notables livres et belles librairies qu'il avait de tous les plus notables volumes qui, par souverains auteurs, aient été compilés, soit de la Sainte Écriture, de théologie, de philosophie et de toute science, moult bien écrits et richement ornés. Et ont tout temps été les meilleurs copistes qu'on put trouver, occupés pour lui en tel ouvrage. Et si le lieu où il étudiait était bien organisé et ordonné, ne convient pas demander, car il ne se pouvait rien trouver de mieux. Christine de Pizan, sur Charles V. Yann Potin, bonjour. Bonjour. Que vient faire Charles V dans cette histoire ? Ouh, ça fait longtemps dont son ombre pèse, ou sa lumière pèse sur la Bibliothèque nationale, même si ce n'est pas tout à fait en ligne directe. Bon, d'abord, il faut rappeler que Charles V, c'est un roi de France. C'est pas Charles Quint, l'empereur du Saint-Empire romain germanique. Non, c'est Charles V, au XIVe siècle, même pour être plus précis, entre 1364 et 1380. Et il est connu pour être le grand ordonnateur d'une langue française officielle. On ne sait pas encore Villers-Cotterêts, mais c'est les prémices d'un certain nombre de grandes traductions où le français commence à devenir véritablement une langue de chancellerie et surtout une langue savante, au service évidemment d'un projet idéologique, puisqu'il est évidemment en concurrence avec le roi d'Angleterre célèbre. On est en pleine guerre de 100 ans. Bref, donc Charles V, effectivement, depuis le XVIIe siècle, et en fait surtout depuis le XIXe siècle, on lui attribue les origines de la Bibliothèque nationale, qui était effectivement la bibliothèque du roi avant 1789, mais dont les prémices sont évidemment complexes, d'autant que alors Charles V avait une bibliothèque au Louvre, une librairie, comme on le disait, comme le disait aussi et le rappelait Christine de Pizan. Mais évidemment, c'était une sorte de cabinet d'études où il n'y avait pas de lecteurs, sinon les plus proches favoris du roi. Et effectivement, le roman national de la Bibliothèque nationale, puisqu'elle a son propre roman, comme toutes les institutions, Charles V est le fondateur de la Bibliothèque nationale. Bon, on peut en discuter, longtemps. C'est une jolie histoire, mais disons que Charles V est plutôt la préfiguration, je dirais, de quelque chose qui est une alliance entre le savoir et le pouvoir, et le fait que le pouvoir a besoin de dire et d'être entouré de livres. C'est sûr que la Bibliothèque nationale a besoin de se construire une histoire, comme nous avons tous besoin de nous construire une histoire. Et il faut un début. C'est vrai qu'au XIVe siècle, le fait que Charles V mettent en place cette librairie. C'est au Louvre, hein, c'est ça ? C'est au Louvre, dans une tour d'angle, qui d'ailleurs, dont entre parenthèses, une des pierres a été transférée pour l'inauguration, non pas de Richelieu, mais du site de Tolbiac. Donc les lecteurs peuvent la voir, ce qui matérialise en quelque sorte cette filiation sublime. Et moi qui me fascine, hein, je le dirais, c'est plutôt que, en fait, ce qu'on célèbre fondamentalement dans cette histoire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est plutôt que le règne de Charles V correspond non pas au premier roi qui accumule des livres, puisque les rois ont toujours eu des livres, mais là, il y a un discours sur l'accumulation des livres, hein, c'est ce que disait Christine de Pripizan, ou d'autres idéologues du temps, je pense au Songe du Verger, qui dit « Beau trésor pour un roi d'avoir grand multitude de livres, trésor de sapiens, et la sapiens devient la justification d'une politique raisonnée, la sapiens, c'est-à-dire la sagesse. » Donc c'est la première fois, véritablement, qu'on fait du roi savant et du roi collectionneur de livres un objet de discours, et surtout à un moment donné où la langue française, je l'ai dit, devient une langue quasi officielle, ce qui signifie donc bien que la bibliothèque du roi, et ça c'est le sens de la BNF, on parlait d'extase ou on parlait de temple des lecteurs, c'est aussi un des sanctuaires de la langue française. Donc malgré la diversité des collections, ce que la Bibliothèque nationale aussi célèbre, c'est l'inscription en quelque sorte de la langue sur tous les supports d'information, quels qu'ils soient. D'ailleurs, on ne peut pas séparer la notion de pouvoir et de bibliothèque nationale telle qu'elle est aujourd'hui. Bruno Blassel, dans cette longue histoire, nous évoquons Charles V, le pouvoir et la librairie, sa librairie personnelle. C'est cette association aussi qui est intéressante et qui peut se lire là sur le temps très long. Qui peut se lire sur le temps très long, mais c'est vrai que la collection de Charles V n'est pas restée à la bibliothèque, même si on a essayé au-delà, dans les siècles suivants, de la reconstituer, ce qu'on peut faire un peu en partie, mais qu'elle a été dispersée après sa mort. Et c'est seulement à partir du XVe siècle qu'il y a une transmission directe des collections royales, j'allais dire de roi en roi au début et jusqu'à aujourd'hui, à partir de Louis XI, disons, et de Charles VIII. Puisque nous voyageons, nous pouvons évoquer ces lieux, effectivement. Après le Louvre et Charles V, la bibliothèque, vous nous dites, est royale, elle se déplace là encore. Oui, on a pu parler de bibliothèque un peu itinérante. Il faut dire qu'on a du mal à l'imaginer, c'est une bibliothèque qui tient dans quelques caisses. Et elle pouvait donc accompagner éventuellement en partie le roi dans ses déplacements. Elle a donc été d'abord dans les résidences des rois de France, au bord de la Loire et à Blois notamment, avant d'être rapatrié à Paris au XVIe siècle. Que reste-t-il d'ailleurs de cette collection? Vous l'avez évoquée en sous-texte, Bruno Blassel, la volonté presque de retrouver dans un idéal absolu ces premières collections, parce que parfois nous disposons d'inventaires de ces bibliothèques royales. Est-ce qu'on peut les retrouver? En tout cas, il y a tous ces éléments dans la Bibliothèque nationale d'aujourd'hui? Oui, alors justement, précisément, le lien de filiation a commencé tôt, puisque sur un des plus anciens inventaires de la librairie du Louvre de Charles V, il y a un ex-libris de François Ier qui, lui, avec l'ordonnance de 1537 et Villers-Cotterêts, la langue française, pour le coup, peut être considéré comme le vrai patron et la fondation du Collège Royal, devenu Collège de France, de cette politique entre savoir et livre, cette politique du savoir par les livres. Et là, pour le coup, donc, cet inventaire, manuscrit français 2700, qui aujourd'hui, d'ailleurs, je crois, est numérisé sur Gallica, mais c'est vrai que la première fois que je l'ai touché, ce fut une extase, mais c'était il y a 26 ans. Donc ce manuscrit, ces inventaires, qui sont des inventaires comptables, ont été utilisés par Léopold de Lisle, notamment, pour identifier dans les collections européennes et même mondiales, des manuscrits dispersés. Il y a environ, je ne rentre pas dans les détails, mais 950 et quelques volumes, et on en connaît aujourd'hui 150. Là encore, les spécialistes comme Marie-Hélène Ténière me pardonneront, puisque justement, c'est un projet d'inventaire raisonné qui est en cours. Mais ces manuscrits sont pour la plupart des manuscrits enluminés. Or, ce qui a disparu, c'est justement tous les autres manuscrits qui étaient plus des manuscrits de travail, et notamment tous les manuscrits scientifiques, astrologiques, puisque sur ces 900 volumes, il faut quand même noter qu'à l'époque de Charles V, près d'un tiers était uniquement dédié à l'astrologie Ça donne quand même aussi. Alors, l'astrologie à l'époque, c'était pas. Oui, c'est du sérieux. C'est du sérieux quand même. C'était, enfin, c'était bien sûr Madame Soleil, mais c'était quand même fondamentalement l'équivalent de la statistique d'État aujourd'hui. Ce qui est fascinant, hein, c'est cette temporalité avec cet inventaire de Charles V au XIVe siècle que l'on retrouve annoté par François Ier. Au XVIe, et vous l'avez cité, Léopold de Lisle, qui est le grand historien, le grand bibliothécaire, au XIXe siècle, qui reconstitue tout cela. Jacqueline Sanson, quand on est en charge d'une telle institution, la mémoire et l'histoire ne pèsent-elles pas trop ? Oui, oui, sans doute, mais d'abord, je crois qu'on, quand on arrive à la bibliothèque, d'une manière générale, on n'en connaît pas suffisamment l'histoire. D'ailleurs, c'est une remarque, on s'intéresse maintenant, et avec le livre que la bibliothèque a publié, « Histoire de la Bibliothèque nationale de France », sous la direction justement de Bruno Blassel et de Gennaro Toscano, on voit bien ce qu'est cette histoire. Moi, je fais partie des conservateurs qui, lorsqu'ils sont arrivés à la bibliothèque, n'avaient pas d'ouvrages scientifiques récents, en tout cas, sur l'histoire de la bibliothèque. Il y en avait eu par le passé. Et la notion d'histoire, elle ne frappe pas. Les lieux frappent tout de suite, mais la notion d'histoire ne frappe pas immédiatement. Mais dès qu'on avance, on se rend compte qu'on s'inscrit dans une histoire, et il y a des personnalités qui marquent. Alors, vous avez évoqué la librairie de Charles V et rappelé fort heureusement que Louis XI, en fait, est le premier roi qui a transmis sa collection à Charles VIII, que la bibliothèque a été itinérante à Blois, mais à Amboise aussi, Fontainebleau, et avant d'être parisienne. Et il y a au cours de cette histoire, il y a des personnalités de la bibliothèque et des personnalités hors de la bibliothèque qui ont fortement marqué cette bibliothèque, plus tard, au XVIIe. Et puis, nous voyageons, hein, nous l'entendons, parce que là, Amboise, Blois, Fontainebleau, Paris, évidemment, ont été cités. Je sens que nous allons faire un petit tour à Montpellier. Ce que nous demandons à tous ceux qui publient des revues et des publications périodiques de quelque nature qu'elles soient, c'est d'abord de les conserver et de préparer des paquets de collections absolument complètes. Après quoi, nous leur demandons très instamment de veiller à ce qu'elles soient acheminées le plus vite possible à la Bibliothèque nationale. Voilà l'essentiel et voilà ce qui est capital pour assurer la continuité des collections nationales. C'est en 1974 que s'exprimait Jean Prinet, conservateur en chef du département des périodiques à la Bibliothèque nationale, et qui évoquait le dépôt légal. Pourquoi cette évocation du dépôt légal quand j'avançais ce nom de ville, Montpellier, Bruno Blassel ? Pourquoi le dépôt légal ? Eh bien parce que le dépôt légal est aujourd'hui la marque d'une bibliothèque nationale. Le dépôt légal, c'est l'obligation pour aujourd'hui les éditeurs et les imprimeurs de déposer un exemplaire de leur production. Mais l'idée en remonte à cette ordonnance de Montpellier de 1537, prise par François Ier. Alors, c'était peut-être une idée à l'époque, parce que les historiens font bien remarquer qu'il n'y a pas de livres imprimés à la Bibliothèque nationale pendant très longtemps et qu'on s'est d'abord attaché à conserver des ouvrages manuscrits. Néanmoins, c'était intéressant de voir que cette ordonnance qui a été prise, non pas d'ailleurs tant pour accroître les collections d'une éventuelle bibliothèque nationale, mais bien plutôt dans un but de surveillance de l'imprimerie, à une époque où on éprouvait le besoin de la surveiller. Oui, c'est-à-dire on est en plein affaire des placards et dans l'éclatement de la crise protestante. Voilà. Donc c'est pour ça qu'en effet, cette ordonnance a été prise. Et certes, donc, intervient toujours quand même dans le propos des historiens, même si on est tous d'accord pour dire qu'elle n'a pas été appliquée. Il suffit d'en juger par le nombre de fois on a dû la rappeler au XVIe puis au XVIIe siècle pour voir qu'elle n'était pas appliquée. Ah, les gens n'obéissent pas à 1537, l'ordonnance de Montpellier sur le dépôt légal. 2 ans plus tard, l'ordonnance de Villers-Cotterêts sur l'utilisation d'une langue compréhensible par tous pour les actes d'état civil notamment. Dans cette histoire, c'est vrai qu'il y a un écho très contemporain. Jacqueline Sanson, le dépôt légal par exemple aujourd'hui est une problématique qui doit prendre toutes les évolutions de la société en compte et les moyens de diffusion du savoir. Et c'est ce que fait aussi la Bibliothèque nationale de France. Absolument. Le dépôt légal au 16e, on a vu, Bruno Blassel vient de le dire, on a vu que bon, ça n'a pas permis d'accroître les collections de la bibliothèque, mais au 17e, ça a commencé à être le cas. Et dès le 17e, le dépôt légal s'étend aux images, aux estampes. Au 18e, le dépôt légal s'étend à la musique. Au 19e, le dépôt légal s'étend à la photographie en 1851. Et au 20e, le dépôt légal, évidemment, au sonore et plus largement à l'audiovisuel. Et puis quand l'Internet arrive, le dépôt légal s'étend à l'Internet. Enfin, c'est absolument fabuleux dans l'histoire d'une bibliothèque nationale. Et la France a été pionnière. Les autres pays l'ont suivi. C'est intéressant, ça, ce modèle, parce que l'histoire d'une bibliothèque, c'est surtout comment l'on fait à un moment donné, au présent, pour répondre à des attentes. Parce que dans cette histoire-là, quand même, il faut les évoquer. Ce sont notre stature, le plus souvent face à la Bibliothèque de France, c'est être lecteur, être lectrice de la bibliothèque. C'est cette question aussi qui est là, prégnante, le lecteur, la lectrice. À quel moment commence-t-on à s'intéresser au fait de pouvoir mettre à disposition l'ensemble de ces documents, Bruno Blassel ? Il y a toujours eu une tradition d'accueil, malgré tout, non pas du grand public, bien sûr, mais de ce qu'on appelle aujourd'hui les chercheurs. L'accès aux collections a toujours été facilité par la Bibliothèque du Roi. La Bibliothèque royale, et au XVIIe, XVIIIe siècle, les voyageurs étrangers en France louent l'accueil qu'ils reçoivent à la Bibliothèque nationale, qui n'était pas encore la Bibliothèque nationale. Devant l'afflux croissant, évidemment, des lecteurs et des documents, il a fallu s'organiser. Et à partir du XVIIIe siècle, enfin de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe, il a fallu une organisation un peu plus rationnelle des choses. On a créé sinon des salles de lecture, tout du moins des conditions d'accueil bien meilleures, en distinguant les vrais lecteurs des simples curieux qui venaient peut-être pour admirer les lieux ou de belles images. Mais voilà, ça a été progressif. Mais ce que je voulais juste redire un mot, c'était à propos du dépôt légal qu'évoquait Jacqueline Sanson. On a pu parler à une époque de la boulimie de la Bibliothèque nationale, elle veut tout prendre. Mais je dirais au contraire, heureusement qu'elle était là pour venir justement, pour prendre en charge tous ces documents d'aujourd'hui, d'hier et d'aujourd'hui. Le livre, la presse périodique, pourtant bien encombrante, la photographie, et puis c'est vrai, l'audiovisuel et maintenant le numérique. Je crois que c'est quelque chose que notre pays doit à la Bibliothèque nationale, c'est cette capacité à avoir su faire face à cette prolifération de documents et de l'avoir malgré tout assez bien géré. Oui, assez bien quand même. Assez on peut bien. Lire. Non, vous avez raison. Histoire de la Bibliothèque nationale de France et ce livre que vous avez co-dirigé, Bruno Blassel, publié par les éditions de la Bibliothèque nationale de France, édition BNF. Mais au moment d'écrire une histoire de la Bibliothèque nationale de France, Yann Potin, il faut se départir de tout ce que nous avons en tête sur ce qu'est une bibliothèque aujourd'hui. C'est ça aussi la complexité. La bibliothèque telle qu'elle était pensée dans le passé, ou la librairie, peu importe, c'est pas du tout ce que c'est aujourd'hui. Et même le livre, dans sa matérialité, c'est autre chose dans la manière dont on conçoit un livre. C'est-à-dire que je crois qu'on en revient à ces prémices politiques, c'est-à-dire que l'ordonnance de 1537 et jusqu'à ensuite la loi véritablement fondatrice du dépôt légal, parce qu'il y a un moment donné ça a quand même marché, et je dois dire que la Révolution française n'y est pas pour rien, mais même si elle n'a pas réussi à organiser vraiment le dépôt légal, mais c'est évidemment Napoléon qui a inscrit le dépôt légal dans le marbre, c'est le cas de le dire, et pour une partie de l'Europe occupée d'ailleurs. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est effectivement pendant longtemps la bibliothèque, c'est un instrument de contrôle de la censure, c'est le bras en quelque sorte de la censure, puisque l'idée à une époque où, évidemment, on est dans un monde où tout le monde ne lit pas, où on peut même dire que c'est une minorité, et qu'en revanche, ceux qui lisent peuvent être des opposants très forts. Et puis même quand on est dans un monde, jusqu'au XVIe siècle, où traduire la Bible en langue vernaculaire devient l'objet d'une crise politique majeure qui secoue l'Europe pendant 150 ans. Donc oui, faut quand même... Voilà, le dépôt légal, c'est quand même d'abord et avant tout un puissant instrument de contrôle, ce qui évidemment, 500 ans plus tard, ça en fait ce que vous venez de dire, Bruno Blassel et Jacqueline Sanson, c'est-à-dire un formidable trésor où on va trouver, y compris, si j'ose dire, Paris Boum Boum. Enfin, faut quand même voir que... Il y a tout, y compris Paris Boum Boum. Alors, enfin, je veux dire, vous voyez ce que je veux dire, toutes les choses imprimées, puisque par définition, les imprimeurs n'imprime pas que des livres. C'est bon. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'en effet, c'est ça la difficulté. C'est, il y a une continuité des collections, mais il n'y a pas forcément une continuité des fonctions. Et la fonction patrimoniale, elle est encore plus récente. Et la fonction, si j'ose dire, d'exhibition, et je crois que c'est ce qu'on célèbre, d'exhibition au sens positif du terme, hein, c'est-à-dire d'ouverture à un grand public sur le site de Richelieu à travers un musée-galerie, qui avait été préfiguré à plusieurs reprises dans l'histoire, notamment pour l'exposition universelle de 1878, c'est encore une autre fonction qui, à mon avis, est d'autant plus fondamentale que cette accumulation finit par devenir un petit peu invisible aux yeux du grand public. Donc voilà. Donc je crois que là, il y a plusieurs enjeux politiques, patrimoniaux, sociaux, intellectuels bien sûr, mais qui ne se disposent pas de la même façon au cours du temps ou au cours de l'histoire. On le voit dans ce musée sur le site Richelieu à Paris, cette accumulation de collections, combien ces œuvres, que nous considérons comme des œuvres aujourd'hui, sont en fait de véritables outils de pouvoir, Bruno Blassel. On va retrouver, alors là, tous les noms donnés à ces objets sont des constructions, mais le trône de Dagobert, on va retrouver... Que fait-il à la bibliothèque Pourquoi trouve-t-on le trône de Dagobert qui a mis sa culotte à l'envers? Pourquoi est-il à la bibliothèque? Grâce à la Révolution française. Ah bah merci. Grâce à la Révolution française, comme la moitié des collections de la Bibliothèque nationale actuelle. C'est pour ça qu'on dit que la Bibliothèque nationale la Révolution française a fait doubler les collections de la Bibliothèque royale. Voilà, par confiscation. Et là, en l'occurrence, ce sont des dépôts, des trésors de Saint-Denis et de la Sainte-Chapelle, le Grand Camée d'Auguste, qui sont venus alimenter ce qui est devenu le département des médailles. Inscription, qui lui, pour le coup, était très Louis XIVien. Hein, quand Louis XIV a créé l'Académie des inscriptions et médailles, il lui fallait un médaillé officiel. Et c'est une partie souvent un peu méconnue, mais très, très importante, parce que là, on est au cœur de la représentation du roi. Hein, c'est l'hostie sacrée de la monnaie royale qui se joue. Hein, c'est quelque chose qui est très, très... C'est beaucoup plus que politique. Bref. Mais pendant la Révolution française, il se trouve qu'on a créé un cabinet des antiques qui, en fait, était un peu en concurrence avec le Louvre, faut bien le dire, et qui est même assez qui est resté assez longtemps en concurrence avec le Louvre, et qui avait aussi plein de statuettes antiques, et qui a récupéré de tous les dépôts révolutionnaires venant des églises, etc., un certain nombre de pièces majeures et symboliques. Le trône de Dagobert, c'est entre autres, voilà. Il y a l'épée de Charlemagne, il y a tout ça. Il l'est sans doute, peut-être pas. Bah, on ne sait pas. Alors, ça, c'est au Louvre. L'épée de Charlemagne à Toulouse. Non, c'est. Des objets d'art, je crois. C'est l'épée de Boabdil, par exemple. Dernier souverain. Le corps de Roland. Ouais, enfin, le corps de Roland. Formidable. Donc, vous voyez que Charlemagne ne sera pas déçu. Mais ça venait aussi du trésor de Saint-Denis, de l'abbaye de Saint-Denis, sous-entendu. Donc, tout ça, ce sont effectivement des signes. Hein, des sémiophores forts du pouvoir, et ça, c'est la Révolution française qui, par la transmutation qu'elle a accomplie, l'a donné à la Bibliothèque nationale. Et puisque nous parlons de la Révolution française, autant faire un petit tour vers la place de la Bastille, direction la Bastille, à l'Arsenal. Bruno Blassel, l'Arsenal aussi, c'est ça qui est fascinant, c'est que c'est une histoire, l'histoire d'un lieu, bien sûr, et l'histoire d'une collection. Là aussi, la Révolution est importante pour enrichir les collections. Oui, en fait, la Révolution française a entrepris des confiscations dans tous les établissements religieux et a créé de grands dépôts littéraires, dans lesquelles les bibliothèques publiques soient déjà existantes, comme la Bibliothèque du Roi, soit en cours de création, comme la Bibliothèque de l'Arsenal, ont pu prélever, parfois assez largement, comme on le disait tout à l'heure, ont pu prélever des archives ou des livres, ou des ouvrages, ou des manuscrits précieux. C'est ainsi que les collections de l'Arsenal se sont notablement enrichies, et aussi avec les archives de la Bastille, comme... Oui, si je peux me permettre, parce que ça c'est quand même un joyau de particulier, puisqu'on pourrait se demander pourquoi un fonds aussi important qui contient les archives de la lieutenance de la police générale de Paris, du 17e, s'est retrouvé là. Eh bien figurez-vous que dès le 16 juillet 1789, il y a une commission qui trie les papiers de la Bastille, où on se rend compte qu'il y a plein de choses, et que très vite il y a un comité de quartier qui dit que, puisque la Bastille va être détruite, il faut que les archives restent à proximité. Et si les archives de la Bastille n'ont pas rejoint les archives nationales, qui se créent à ce moment-là, alors qu'elles auraient dû le faire, hein, c'est pour des raisons, je dirais, presque de transmutation du monument disparu. Et de fait, face à la bibliothèque de l'Arsenal, vous avez les rares vestiges, j'invite tous les parisiens et non-parisiens à y avoir, de la Bastille. Donc, quelque part, les archives de la Bastille, qui sont dans un contenant particulier à la bibliothèque, sont... le trésor de la nation, puisque je vous rappelle que, quand même, la Bastille libérée, c'est l'acte de naissance de la nation. Ce qui tombe bien, puisqu'on parle de bibliothèque nationale. Et ayons, malgré tout, une pensée pour vos collègues conservateurs du département des manuscrits enluminés, au moment d'évoquer la Révolution française, parce que, bien sûr, les collections étaient énormément enrichies. Il y a eu des disparitions, notamment, je pense, à des reliures médiévales, tout en or, tout en pierre, qui ont été un petit peu arrachées, parce que l'or, c'était intéressant. Il faut pas non plus voir la Révolution comme un phénomène absolument majestueux pour le patrimoine, et il y a aussi cette part-là. Oui. Je dirais quand même qu'il n'y a pas eu la Révolution, qui a parfois en effet été un peu iconoclaste, n'a pas du tout été à la Bibliothèque nationale, et les collections de l'ABN ont parfaitement traversé ces périodes agitées. Je pense au trésor de Saint-Denis, par exemple. C'est là où. Mais c'était avant d'arriver à la Bibliothèque. Oui, et puis surtout là, il y a d'abord une masse. C'est-à-dire que quand même là, tout ça étant la conséquence quand même d'un geste iconoclaste, hein, mais de la vente des biens nationaux, pour essayer justement de sauver l'État royal de sa banqueroute, le décret du 2 novembre 1789, donc insistons bien que tout ça n'a strictement rien de révolutionnaire comme on l'entend aujourd'hui, c'est véritablement une solution financière. Or, les églises étaient gorgées d'une accumulation qui, de toute façon, a servi avant tout à éponger la banqueroute dans laquelle la royauté avait mis la France. Et puis, nous voyons ces trésors sur le site... Richelieu au musée, c'est absolument exceptionnel de voir ces reliures en or serties de pierre et d'imaginer ces manuscrits, et c'est fascinant parce qu'on fait quelques pas et on en a qui sont là et que l'on peut admirer. Ça se trouve où ? Mais ça se trouve à Paris, ça se trouve à la Bibliothèque nationale de France, site Richelieu. Et là, nous croisons un autre personnage, c'est Mazarin. Nous voici ainsi ramenés à Mazarin et par lui au palais Mazarin qui va abriter la Bibliothèque royale qui va devenir la Bibliothèque nationale. Nous revenons à celle-ci, après un long circuit qu'il ne faut pas regretter, puisqu'il nous donne une idée de la variété et de l'éclat des bibliothèques en France, quand la Bibliothèque du Roi a pris racine sur les lieux où elle devait jusqu'à nos jours se développer. Alors, c'est compliqué, Jacqueline Sanson, parce que le site Richelieu, c'est le palais de Mazarin. Expliquez-nous ça. C'est en effet très compliqué parce que Richelieu marque la bibliothèque topographiquement, mais ne marque pas l'histoire de la bibliothèque. Mazarin, bien sûr, beaucoup plus, avec les collections, la galerie, mais il ne faut pas oublier un peu plus tard Colbert. Parce que si la bibliothèque est installée à cet endroit, dans le deuxième arrondissement, à la limite du premier, à quelques pas du Louvre, c'est grâce à Colbert qui a fait traverser la Seine une première fois, si j'ose dire, à la bibliothèque, et qui l'a installée dans une maison qui était à côté de la sienne, enfin dans sa maison, peut-on dire, rue Vivienne. Et au milieu, enfin au XVIIe siècle, et c'est de cet emplacement qui, évidemment, puisqu'on l'a dit tout à l'heure, s'est avéré très rapidement trop petit, qu'on a cherché un lieu à proximité et que la bibliothèque a franchi le pas, traversé la rue et s'est installée là où elle est maintenant et là où les auditeurs peuvent aller la voir s'ils ne la connaissent pas encore. Oui, parce qu'il y a cette histoire des bâtiments. Parce que ça s'est agrandi tout doucement, hein, ça grignote, ça construit, ça rajoute. Et cette histoire-là en elle-même est géniale parce qu'on le voit, c'est sous nos yeux, Yann Potin. Oui, parce que la géographie qui se redessine, elle n'est pas évidente pour nos auditeurs et auditrices. Mais en fait, il suffit juste de rappeler où on est dans Paris. On est au cœur du quartier du pouvoir au XVIIe siècle. Le Louvre est pas loin. Perpendiculairement au Louvre, il y a le Palais Cardinal, c'est-à-dire le Palais de Richelieu, qui donne son nom à la rue, qui donnera son nom au site, parce que le site Richelieu s'appelle du fait de la rue, hein, de l'adresse de l'entrée. Et derrière ce Palais Cardinal, c'est aujourd'hui le Palais Royal, que là, je pense qu'on connaît, il y a le Palais Mazarin. Et derrière le Palais Mazarin, il y a le Palais Colbert. Or, Richelieu, Mazarin, Colbert, les trois principaux ministres qui, de 1630 à 1683, on fait la France, on fait l'État royal, on va dire. Hein. Donc, voilà, si j'ose dire, pas besoin d'aller chercher midi à 14h. La bibliothèque du roi est confiée aux principaux ministres ou dans leurs hôtels, qui eux-mêmes sont, c'est pas pour rien qu'il y a la Banque de France à côté, toujours. Il y avait aussi l'Opéra de l'autre côté, il y avait plein de choses. On est dans un quartier qui est le cœur du pouvoir jusqu'à la Révolution française. L'ancien Opéra, hein, pas l'Opéra Garnier, non, mais non, bien la rue Pelletier. Qui a brûlé. Et par ailleurs, pour finir, même Fouquet, l'hôtel de Fouquet, par exemple, le fameux surintendant, était à la place des Victoires, puisque la place des Victoires, qui est juste la place à proximité de ce quartier, a été détruite par Louis XIV pour marquer sa victoire sur, l'hôtel de Fouquet sur l'ignoble surintendant. Donc on est dans le cœur de l'État absolu. Alors nombreux sont ceux et celles qui nous écoutent, je pense, qui connaissent ce problème dramatique de l'accumulation de livres. On ne sait plus où les mettre, on ne sait plus, nos logements sont trop petits. Mais alors là, dans ces hôtels particuliers qui n'avaient pas pour destination à être des bibliothèques, Bruno Blassel, c'est des aménagements à n'en plus finir. Beaucoup d'astuces aussi. Beaucoup d'astuces. C'est le drame d'une bibliothèque nationale, c'est qu'elle accumule sans cesse et que toujours les locaux sont trop petits. Donc toujours il faut envisager un avenir. Effectivement, le déménagement dans l'ancien palais de Mazarin a résolu le problème pour quelques dizaines d'années. Mais rapidement, on s'est dit, il faut peut-être construire ailleurs une grande bibliothèque, une bibliothèque nationale. Et dans l'histoire de l'établissement, on a cessé d'envisager des constructions plus ou moins réalistes, de chercher des emplacements pour la bibliothèque du roi. On a souvent pensé la transférer au Louvre, où finalement ça ne s'est pas fait. Mais on avait aussi envisagé, effectivement, il y a eu la place des Victoires, il y a eu la place Bellechasse, il y a eu le parvis de Saint-Sulpice. Enfin, il y a eu tout au long de son histoire de projets, alors que la Bibliothèque nationale, elle n'a jamais pu, jusqu'à une date récente, s'installer dans des locaux construits spécialement pour elle. Elle a toujours dû s'adapter à d'anciens palais, alors le palais de Mazarin notamment. Mais voilà, c'est seulement quand on a construit la bibliothèque à Tolbiac qu'on a enfin construit une bibliothèque. Oui, pour être bibliothèque. Une vraie bibliothèque. Oui, non, juste pour ajouter ce que disait Bruno Blassel, en effet, le Louvre, là encore, c'est la convention qui, c'est très politique, parce que ça reste politique, qui se dit que sous ses yeux, puisque la convention siégeait au Palais des Tuileries, donc la partie manquante du Louvre, qui estime que donc la Bibliothèque nationale doit être au cœur du centre névralgique du pouvoir. Et Napoléon, évidemment, caressera aussi ce projet, n'est-ce pas? Je dis ça parce que nul n'est censé savoir que Napoléon aimait les livres. Vous verrez d'ailleurs dans le livre un texte de Charles Éloi Vial à ce propos, adorait les livres, et donc effectivement il était très attentif, mais évidemment dans sa suractivité il n'a finalement pas accordé un bâtiment à la bibliothèque. Allez-y, Bruno Blassel. Mais jusqu'à la reconstruction par Labrouste, à laquelle on viendra peut-être à partir de 1858, eh bien, la Bibliothèque nationale, le Louvre a été envisagé et on a cessé donc de réfléchir de nouveaux emplacements. Oui, voilà, parce que ce n'est pas Napoléon Ier qui fait la Bibliothèque nationale, en tout cas le bâtiment rue Richelieu, c'est son neveu, c'est Napoléon III, c'est le Second Empire. Bruno Blassel, là aussi, c'est toute une conception de la bibliothèque, mais ici nous avons la construction, donc dans ces années 1860, d'un lieu, mais qui est destinée à être une bibliothèque qui se rajoute à ce qui existait déjà. C'est pas une bibliothèque créée de rien, on rajoute quand même. Et il y a une avancée majeure. Et la salle de lecture, la Brouste, qui est merveilleuse, eh bien, c'est de ces années-là. Voilà. On peut dire que la Bibliothèque nationale que beaucoup d'entre nous ont connue dans leurs études, elle s'est vraiment mise en place sous le Second Empire, sous l'action énergique de Napoléon III qui s'intéressait quand même d'assez près à la question et qui avait nommé à la tête de la bibliothèque des réformateurs et un architecte, Labrouste, qui avait déjà construit la bibliothèque Sainte-Geneviève avec succès, puisque c'est une très très belle bibliothèque aussi, bien sûr, et qui donc dispose quand même d'une marge de manœuvre pas immense, mais une marge de manœuvre quand même, pour construire une nouvelle bibliothèque avec une grande salle de lecture et avec des magasins. Pour cela, il a eu le droit de faire quelques démolitions, mais pas tout quand même. Il a été contraint par le passé et par un espace quand même qui n'était pas immense. Oui, parce que voilà, l'espace demeurait limité, ce palais Mazarin avec tous ses ajouts du 19e siècle. Jacqueline Sanson, cette bibliothèque, ce que nous appelons aujourd'hui le site Richelieu, qui longtemps était la BN, c'est un peu un labyrinthe, parce que la belle salle de lecture Labrouste, c'est une chose, la salle ovale, celle des périodiques, en est une autre. Pour les lecteurs, les lectrices, formidable, c'est clair. Mais alors, dans les coulisses, c'était compliqué? Oui, ça l'était, mais finalement, ça l'était pour les lecteurs plus que pour le personnel. Même si, comme on l'a dit, il y avait des rafistolages de tous côtés. Je crois qu'on ne peut pas imaginer les progrès qu'a fait la bibliothèque ces 30 dernières années. C'est colossal. Donc, on a évoqué les grandes étapes et la construction de la salle par Labrouste, qu'on n'a d'ailleurs jamais appelée la salle Labrouste. Hein. C'est extrêmement récent. C'était la salle de lecture. C'était la salle de travail. De travail, attention. De travail. Et on a construit cette autre salle, la salle ovale, qui était un peu en second. Il fallait aller la chercher derrière un grand escalier. Et quand on arrivait, on voyait cette salle, belle salle, un peu grisâtre et autres. Je le dis d'autant plus facilement que la rénovation est absolument magnifique et cette rénovation fait de la salle ovale, parce que cette salle était ovale, une salle de premier plan qui rivalise avec la salle Labrouste. Donc la salle construite par Pascal, l'architecte, est très différente, mais elle est absolument magnifique. Les débuts de la construction de cette seconde salle, cette grande salle, qui avait été prévue pour être une salle publique, les débuts remontent à la fin du 19e siècle, 1897. Donc on commence à construire cette salle, après avoir racheté l'angle qui manquait à la bibliothèque, donc après avoir fermé le quadrilatère, on commence à construire cette salle. Mais ça n'est pas une période faste pour la bibliothèque. Et elle n'a pas les crédits pour faire avancer les travaux à un rythme soutenu. Et là, cette fameuse bibliothèque va mettre plus de 30 ans, ou 35 ans même, à voir le jour. Et quand on l'imagine comme une salle publique tout à fait au début, dans les années 1897 et jusqu'à la guerre 14, elle doit être cette salle publique. Donc ça donnait le schéma suivant, une salle pour les savants, la salle de travail, ou salle Labrouste, et une salle pour le grand public, la salle ovale. Le temps de construction est tellement long que la bibliothèque change d'avis, change de cap. Et pendant la guerre, déjà, guerre 14-18, on se dit, mais non, la salle publique, ça ne va pas. On est en train de construire des bibliothèques dans Paris. Donc, l'évidence d'une salle pour le grand public disparaît et on se demande ce qu'on va en faire. Et comme l'a dit Bruno tout à l'heure, dans une bibliothèque, la bibliothèque s'accroît. Mais la problématique est plus aiguë encore avec la presse. Ah c'est bah la oui. presse qui fait, qui fait exploser tout. Beaucoup, plus encore que le livre. Et donc, eh bien, la bibliothèque décide de consacrer cette salle aux périodiques. Hein. Les périodiques, c'est la presse quotidienne, la presse hebdomadaire. La salle est terminée en 1932, donc 35 ans. Et en 1932, on ne l'ouvre pas tout de suite, et c'est le président de la République, Albert Lebrun, qui l'inaugure en 1936. Et voilà, avant la guerre, du temps de Julien Quin, qui est une des grandes personnalités, on a parlé de Léopold de Lille, et Julien Quin est une personnalité majeure de la bibliothèque, et c'est... juste avant la guerre, on peut considérer que la physionomie que certains d'entre nous ont connue quelques années plus tard est à peu près déjà là. Oui, parce que c'est cette histoire qui est racontée dans Histoire de la Bibliothèque nationale de France, publiée par BNF Éditions. Une histoire sur le temps très long, mais une histoire, comme vous venez de l'évoquer, Jacqueline Sanson, qui est aussi à côté de l'institution, à côté des enjeux de pouvoir, une histoire presque matérielle. De ses lecteurs, de ses lectrices, qui venaient, où on allait, comment faire, Bruno Blassel. C'est très important, oui. Ça aussi. Enfin, en effet, pour reprendre ce que vient de dire Jacqueline Sanson, c'est un peu la question de savoir à qui s'adresse une bibliothèque nationale. Est-ce que c'est pour tout le monde, avec son nom national, ou est-ce que c'est seulement pour quelques lecteurs privilégiés, faut du moins que certains considèrent comme privilégiés, parce qu'ils ont accès à la salle de travail. Et c'est un débat qui... à partir de la Révolution, parcourt sans cesse l'histoire de la bibliothèque et qu'on retrouve tout le temps dans la presse où les plaintes contre les mauvaises conditions d'accueil du public, contre la cohabitation entre des travailleurs qu'on jugeait sérieux, les vrais chercheurs, et puis un public dont on considère qu'il ne venait là que pour se chauffer. Enfin, il y a toute une littérature là-dessus. Les calorifères sont magnifiques. Voilà. On a envie d'être à côté, il fait chaud. Oui, on installe les premiers en 1840, mais avant, il paraît qu'il faisait très froid dans les salles de lecture de la bibliothèque. Et je crois que la Bibliothèque nationale a souvent eu, plus ou moins bien peut-être, mais le souci de concilier tous ces publics en faisant des journées particulières dans la semaine, c'était le mardi ou le vendredi, où les curieux pouvaient déambuler dans les galeries pour voir les curiosités archéologiques ou autres, ou même manuscrites de la bibliothèque. Après, en construisant cette salle publique dont parlait Jacqueline Sanson, et peut-être même aussi au XXe siècle, quand elle collabore activement à la création de la Bibliothèque publique d'information. Voilà. C'est vraiment extrêmement important. Et j'allais... Le centre Pompidou. Le centre Pompidou, ouais. Voilà. Et j'allais dire, mais on pourra peut-être revenir dessus, et j'allais dire aussi, dans le projet de Tolbiac, où il y a tout de même différents niveaux de salles de lecture, mais avec des collections pour différents publics. Voilà, le rez-de-jardin pour les chercheurs, et puis voilà. Le reste pour tous les publics. Le haut-de-jardin. Le haut-de-jardin pour les grands publics. Yann Potin. Oui, je voudrais juste, pour rebondir sur ce que venait de dire Bruno Blassel, il y a une chose très importante, c'est qu'au départ, le terme Bibliothèque nationale, sous la Révolution française, donc puisque c'est là où il surgit, en 1791 et par là, est un terme générique. Il devait désigner toutes les bibliothèques publiques. Et bon, très vite, c'est devenu la nationale, mais la Bibliothèque nationale, jusque à la grande réforme lancée par François Mitterrand à l'époque de l'administration d'Emmanuel Loira-Lugéris, qui n'a pas toujours été d'ailleurs tout à fait de tout repos sur le plan politique, la Bibliothèque nationale était la tête de pont de tout le réseau des bibliothèques publiques de France. Pas simplement en inspirant ici ou là, ou en aspirant d'autres bibliothèques, mais en étant tout simplement la ligne... Donnant la ligne, je veux dire, on peut même dire que la direction des bibliothèques et la Bibliothèque nationale ont longtemps été, pour ainsi dire, confondues. Donc voilà la raison, c'est-à-dire que, et je trouve que Jacqueline l'a magnifiquement expliqué, c'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé entre la fin du 19e et les années 30, et ben la politique culturelle de la France s'est mise en place, et que donc on a commencé à investir dans ce qui deviendrait plutôt la lecture publique, et ça va en effet symboliquement à Paris jusqu'en 1977, la Bibliothèque publique d'information, qui là pour le coup est un lieu extrêmement fréquenté, et d'ailleurs c'est Michel Melot qui était conservateur du département des estampes, qui est l'inspiration de cette, enfin qui a participé, disons, il n'est pas le seul bien entendu, le rapport fondateur de cette BPI que nous avons tous fréquenté. Voilà, Beaubourg, le centre Pompidou, qui est un lieu exceptionnel aussi pour l'accès au savoir. Nous sommes le 14 juillet 1988. Ah bah tiens, le défilé vient de se terminer. Bonjour les légionnaires. François Mitterrand prend la parole. Je veux que soit entreprise la construction et l'aménagement de l'une des ou de la plus grande et de la plus moderne bibliothèque du monde. Alors je veux une bibliothèque qui puisse prendre en compte toutes les données du savoir dans toutes les disciplines et surtout qui puisse communiquer ce savoir à l'ensemble de ceux qui cherchent, de ceux qui étudient, de ceux qui ont besoin d'apprendre. Toutes les universités, les lycées, tous les chercheurs, j'en ai l'ambition et je le ferai. Et il l'a fait. C'était le 14 juillet 1988, François Mitterrand qui annonçait la construction de la Bibliothèque nationale de France, le site qui s'appelle depuis François Mitterrand. Jacqueline Sanson, nous avons tous fait des déménagements. Hein. Quelques jours les cartons, on appelle des amis. Bon, c'était hallucinant cette annonce-là pour vous, au cœur de la Bibliothèque nationale, même d'imaginer le déménagement des collections. Oui, l'annonce du président de la République a été une véritable surprise. Emmanuel Leroy-Ladurie, qui était l'administrateur général de la bibliothèque à ce moment-là, donc nous sommes en juillet 1988, n'était pas au courant. Enfin, ça a été une surprise et on ne savait pas exactement ce que ça voulait dire. Est-ce qu'on va déménager? Est-ce qu'on va créer autre chose de totalement nouveau? D'ailleurs, la question s'est posée. On s'est dit, est-ce qu'on va emporter tous les livres? Est-ce qu'on va partager? Est-ce qu'on va arrêter? Il y a eu trois dates. Justement, Michel Melot et Patrice Carr ont fait un rapport, ont proposé une coupure des collections en 1900, en 1945 ou en 1960. Les chercheurs se sont élevés contre ces mesures en disant, mais si on crée une nouvelle bibliothèque, on déménage toutes les collections ou pas. Et c'est justement le parti qui a été retenu. C'est un moment très importante de notre histoire. Alors vous allez dire 1988, c'est très ancien, mais si l'on regarde ce qui a été fait pour la Bibliothèque nationale de France depuis 1988, c'est colossal, c'est un bouleversement comme elle n'a jamais connu. En 88, on prend la décision. En 89, on choisit un architecte. Après 89, on construit, le président de la République, François Mitterrand, devait partir en 95. La bibliothèque, le bâtiment est inauguré en 95. Il y a des polémiques de tous les côtés quand la question de la césure s'est arrêtée. C'est une autre politique, une autre polémique sur est-ce qu'on va accueillir les enfants et que deviennent les chercheurs, qu'est-ce qui va se passer, etc. On avance et à un moment où même on se pose la question, est-ce qu'on va laisser Richelieu et Tolbiac ensemble? C'est un bâtiment, un établissement énorme qui va être créé. Et à ce moment-là, on était sur le point en 92 de prendre cette décision. Je trouve que c'est un moment très important dans l'histoire de la bibliothèque. Et en 93, changement de gouvernement, rapport confié à Philippe Bélaballe par Jacques Toubon, ministre de la Culture, et ce rapport conclut à « il ne faut pas séparer Richelieu de Tolbiac et il faut conserver le tout, parce que la Bibliothèque nationale de France, c'est un tout. Ce sont des livres et bien d'autres documents, comme on a pu le voir, et ça, c'est fondamental. » Hier, j'étais dans le quartier et je discute avec un commerçant qui dit « Mais depuis que les livres sont partis, qu'est-ce qu'il y a ?» Donc, il y a cette méconnaissance de ce tout dont on vient de parler abondamment, cette profusion de documents qu'on n'imaginerait pas nécessairement dans une bibliothèque nationale. Donc, c'est un tout. Et à partir de ce moment, le bâtiment de Dominique Perrault a continué sa course, il a été ouvert plus tard, avec des difficultés, comme l'on sait. Et la question de Richelieu se posait. Que va-t-on faire de Richelieu? Et très vite, l'idée d'un institut d'histoire de l'art, de la consacrer à l'histoire des arts, s'est fait jour. Mais pour le personnel qui travaillait à Richelieu, c'était toute la modernité à Tolbiac, et nous. Et il faut rendre cette justice au pouvoir public dans la durée, parce que tout ça... nous sommes en 2022, et en 2022, la modernité, elle est à Tolbiac, dans le bâtiment François Mitterrand, et elle est à Richelieu, maintenant comme on peut le voir. Et tout ça grâce à des personnalités importantes qui ont mené le combat de la bibliothèque. Et Jean-Noël Jeanneney, Bruno Racine, maintenant Laurence Angèle. C'est une histoire qui ne se finit pas. Et la chance de Richelieu, ça a été Tolbiac. On a construit à Tolbiac, on pensait qu'on avait oublié Richelieu, et pas du tout. Et maintenant, vous pouvez tous voir le résultat de ces travaux spectaculaires. Et c'est joliment dit, Jacqueline Sanson, parce que ces travaux spectaculaires, quand on y est, on ne pense pas aux travaux, on est écrasé par la beauté du lieu, par la beauté des collections. Pouvoir les voir, c'est essentiel. Cette salle ovale dont nous avons parlé, l'ancienne salle des périodiques, qui devient une salle de lecture ouverte au public, parce que c'est important de le dire et de le répéter sans cesse, la Bibliothèque nationale de France doit être au service des lecteurs, des lectrices, des chercheurs. C'est l'accès aux documents. On peut faire un petit clin d'œil à Gallica, la bibliothèque numérique de la Bibliothèque nationale de France. Exceptionnelle Gallica. Donc, on ne peut pas terminer cette émission sans saluer ce travail remarquable qui est fait de numérisation. Merci vivement à tous les trois de nous avoir fait voyager. Alors, on a voyagé, parce que Blois, Montpellier, on est passé évidemment à Paris, et l'Arsenal aussi. Et puis, toutes ces rencontres avec tous ces gens qui ont construit ce qu'est notre héritage, notre patrimoine, la Bibliothèque nationale de France, Histoire de la Bibliothèque nationale de France, BNF Éditions. Merci beaucoup à tous les trois. Merci à vous. Et pour le moment, nous retrouvons avec un immense plaisir Gérard Noiriel et le pourquoi du comment. Pourquoi dit-on parfois que Clémenceau fut un horrible macho ? Georges Clémenceau a aidé plusieurs personnalités féminines à développer leurs projets intellectuels ou artistiques. En octobre 1870, quand il était maire de Montmartre, il a exprimé publiquement son admiration pour l'engagement de Louise Michel, qui s'efforçait d'instruire les enfants pauvres ou abandonnés de la capitale. Lorsqu'elle fut déportée en Nouvelle-Calédonie, pour avoir participé activement à la Commune de Paris, Clémenceau continua à lui écrire et lui adressa même des mandats. Sur le plan politique, Clémenceau a fréquemment défendu la cause des femmes. Il a revendiqué leur droit à la protection contre le viol conjugal et les sévices sexuels, affirmant que chaque femme devait jouir de la propriété de son corps et de son salaire. Dans l'ouvrage intitulé « La mêlée sociale » paru en 1907, il n'a pas hésité à écrire « Loi, règlement, police, tout protège l'homme. Loi, règlement, police, tout écrase la femme. » Rares étaient à l'époque les politiciens qui tenaient des discours aussi proches des revendications féministes. Comment peut-on, dans ces conditions, affirmer que Clémenceau fut un vilain misogyne ? Celles et ceux qui soutiennent cette thèse mettent en avant la contradiction entre les discours de l'homme public et les comportements de l'homme privé. Lors d'un séjour aux États-Unis, Georges fit la connaissance de Marie Plumer, une jeune femme de 17 ans qu'il épousa en 1869. Trois enfants sont nés de cette union, mais Clémenceau ne mena pas pour autant une vie d'époux exemplaire. Revendiquant une libre sexualité, il eut de nombreuses maîtresses, ce qui provoqua la jalousie de sa femme. L'épouse délaissée finit par nouer une idylle avec le jeune secrétaire précepteur des enfants. Georges, l'ayant appris, entra dans une rage folle. Il fit condamner Marie pour adultère, comme la loi de l'époque le permettait. Elle se retrouva en prison parmi les voleuses et les prostituées. Il obtint ensuite le divorce au tort de sa femme, ce qui la priva de la garde de ses trois enfants et aussi de sa nationalité française. Clémenceau parvint aussi à la faire expulser de France comme étrangère condamnée pour délit de droit commun. Il paraît qu'il alla jusqu'à brûler devant ses enfants les photographies et les lettres de son ex-femme avant de briser rageusement le buste en marbre de Marie qui trônait sur la cheminée. Nous avons là un symptôme d'une époque où la profession politique était intimement reliée à l'identité masculine. Georges Clémenceau, que l'on a désigné successivement comme le tombeur des ministères, le premier flic de France et le tigre, trois formules qui soulignent le caractère viril du grand homme, a participé à 47 duels durant sa vie pour défendre son honneur sur la place publique. n'ayant pas pu supporter que sa femme le trompe, alors qu'il prenait la liberté sexuelle pour son propre compte, il s'est finalement servi des lois qu'il critiquait dans l'arène parlementaire pour se venger de celles qui avaient porté atteinte à sa dignité de mâle viril. Comment pourrait-on mieux illustrer le vieux précepte « Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais ». Merci Gérard Noiriel. Le pourquoi du comment à retrouver sur franceculture.fr et l'appli Radio France. C'était le cours de l'histoire sur France Culture, une émission réalisée par Alexandre Manzanares avec aujourd'hui à ses côtés Sam Bakiast. Aujourd'hui à la technique pour le cours de l'histoire, Jordan Fuentes, une émission préparée par Anne Toscane Viudès, Jeanne Copet, Jeanne Delacroix, Violette Ruiz et Maïwen Guizhou. À retrouver, non pas toute l'équipe du cours de l'histoire, non, les émissions sur franceculture.fr et l'appli Radio France pour écoute et podcast, et nous nous retrouvons pour la suite. Mais vous, en attendant, vous avez toutes les archives de quoi faire pour tout le week-end.